Ray Bradbury, nouvelle. Il l'a. Lu par Elodie Hubert. Ils habitaient une maison tout en colonnes de cristal sur la planète Mars, au bord d'une mer vide. Et chaque matin, on pouvait voir Madame K déguster les fruits d'or qui poussaient sur les murs de cristal, ou nettoyer la maison avec des poignées de poudre magnétique qui, après avoir attiré toute la saleté, s'envolaient dans le vent brûlant. L'après-midi, quand la mer fossile était chaude et inerte, les arbres à vin immobiles dans la cour, la petite ville martienne, là-bas, telle un osselet, refermée sur elle-même, personne ne s'aventurant dehors, on pouvait voir Monsieur K dans sa pièce personnelle, en train de lire un livre de métal aux hiéroglyphes en relief qu'il effleurait de la main comme on joue de la harpe. Il y avait 20 ans que Monsieur et Madame K vivaient au bord de la mer morte, dans la même maison qui avait vu vivre leurs ancêtres depuis 10 siècles qu'elle tournait sur elle-même, accompagnant le soleil dans sa course à la façon d'une fleur. Monsieur et Madame K n'étaient pas vieux. Ils avaient la peau cuivrée, les yeux pareils à des pièces d'or, la voix délicatement musicale des vrais martiens. Jadis, ils aimaient peindre des tableaux au feu chimique, se baigner dans les canaux aux saisons où les arbres à vin les gorgeaient de liqueurs vertes, et bavarder jusqu'à l'aube près des portraits aux phosphorescences bleues dans le conversoir. Mais ils n'étaient plus heureux. Ce matin-là, debout entre les colonnes, Madame K écoutait les sables du désert se réchauffer, se liquéfier en une cire jaune qui avait l'air de fuir à l'horizon. Il allait se passer quelque chose. Elle attendit. Elle surveillait le ciel bleu de Mars comme si d'une seconde à l'autre, il pouvait se ramasser sur lui-même, se contracter, pour expulser quelque étincelant miracle sur le sable. Rien ne se passa. Fatiguée d'attendre, elle déambula entre les colonnes embuées. Une pluie fine jaillissait du sommet des fûts cannelés, rafraîchissant l'air brûlant, et retombait en douceur sur elle. Les jours de canicule, c'était comme marcher dans un ruisseau. Elle entendait au loin son mari qui jouait imperturbablement de son livre. Ses doigts ne se lassaient jamais des anciens chants. En secret, elle souhaita que revienne un jour où il passerait autant de temps à l'étreindre et à la caresser comme une petite harpe qu'il en consacrait à ses invraisemblables livres. Mais non. Elle secoua la tête avec, à peine perceptible, un haussement d'épaule indulgent. Ses paupières se refermèrent doucement sur ses yeux dorés. Le mariage transformait les gens en vieillards routiniers avant l'âge. Elle se laissa aller dans un fauteuil qui accompagna son mouvement pour épouser la forme de son corps. Elle ferma les yeux avec force, en proie à une sourde inquiétude. Le rêve survint. Ses doigts bruns frémirent, se soulevèrent, agrippèrent le vide. Un instant plus tard, elle se redressait, désorientée, haletante. Elle jeta un rapide coup d'œil autour d'elle, comme si elle s'attendait à se trouver face à face avec quelqu'un. Elle parut déçue. L'espace entre les piliers était vide. Son mari s'encadra dans une porte triangulaire. « Tu as appelé ?» demanda-t-il avec irritation. « Non ?» clama-t-elle. « Il me semblait t'avoir entendu crier. »« Ah bon ? J'étais à moitié endormie et j'ai fait un rêve. »« En plein jour ? Ce n'est pas dans tes habitudes ?» Elle restait là comme si son rêve l'avait frappée en plein visage. « Étrange, vraiment étrange ce rêve, » murmura-t-elle. « Ah oui ?» Il n'avait manifestement qu'une envie, aller retrouver son livre. « J'ai rêvé d'un homme. » « Un homme ? » ?»« Grand. » « Un bon 1,85 m. » « Ridicule. Un géant difforme. » D'une certaine façon, elle cherchait ses mots, il avait l'air normal, malgré sa taille, et il avait... Je sais que tu vas trouver ça idiot. Il avait les yeux bleus. Les yeux bleus. Grand Dieu, s'écria Monsieur K. Mais qu'est-ce que tu vas rêver la prochaine fois? Je suppose qu'il avait des cheveux noirs. Comment tu as deviné? Elle était surexcitée. « J'ai pris la couleur la plus invraisemblable, » répliqua-t-il froidement. « Eh bien oui, ils étaient noirs !» s'exclama-t-elle. « Et il avait la peau très blanche. Pour ça, il sortait vraiment de l'ordinaire. Il portait un uniforme étrange. Il descendait du ciel et me parlait aimablement. Elle sourit. « Du ciel, quelle absurdité !» Il arrivait dans une chose en métal qui miroitait dans le soleil, se remémora-t-elle. Elle ferma les yeux pour en revoir la forme. Dans mon rêve, il y avait le ciel et quelque chose qui brillait comme une pièce lancée en l'air. Et soudain, ça grandissait et ça venait se poser doucement sur le sol. Un engin argenté, tout en longueur, cylindrique, inconnu. Puis une porte s'ouvrait dans le flanc de l'appareil et ce géant en sortait. Si tu travaillais un peu plus, tu ne ferais pas de ces rêves idiots. C'est loin de m'avoir déplu, répliqua-t-elle en se renversant dans son siège. Je ne me serais jamais cru autant d'imagination. Des cheveux noirs, des yeux bleus et une peau blanche. Quel homme étrange, et pourtant fort bien de sa personne. Il me regardait et me disait « J'arrive de la troisième planète dans mon vaisseau. Je m'appelle Nathaniel York. » Un nom grotesque, impossible, objecta le mari. Bien sûr, puisque c'est un rêve, expliqua-t-elle avec douceur. Il disait aussi, c'est le premier voyage interplanétaire. Nous ne sommes que deux à bord de notre vaisseau, mon ami Berthe et moi. Encore un nom grotesque. Et aussi, nous venons d'une ville sur la Terre. C'est le nom de notre planète, poursuivit Madame K. C'est ce qu'il a dit. La Terre, c'est le terme qu'il a employé. Et il se servait d'une autre langue. Pourtant, je comprenais. Dans ma tête. De la télépathie, probablement. Monsieur K tourna les talons. Elle l'arrêta d'un mot. Il... lança-t-elle d'une petite voix. T'es-tu jamais demandé si... Eh bien, s'il y avait des êtres vivants sur la troisième planète. Aucune vie n'est possible sur la troisième planète, déclara le mari d'un ton patient. D'après nos hommes de science, l'atmosphère y est beaucoup trop riche en oxygène. Mais ne serait-ce pas passionnant si elle était habitée? Et si ses habitants voyageaient dans l'espace à bord d'une espèce de vaisseau? Allons, Hila, tu sais à quel point je déteste ces crises de vague à l'âme. Retournons plutôt à nos affaires. Le jour tirait à sa fin quand elle se mit à chantonner en déambulant au milieu du chuchotis des colonnes dispensatrices de pluie. Toujours la même ritournelle. C'est quoi cette chanson? Finit par lui lancer sèchement son mari en venant s'asseoir à la table foyer. Je ne sais pas. Elle leva les yeux, soudain décontenancée, porta une main à sa bouche, incapable de croire ce qui lui arrivait. Bois à mes yeux avec les tiens, et je te rendrai l'appareil, entonna-t-elle à mi-voix, tout doux. Ou laisse un baiser dans la cour. Et je me passerai de vin. À présent, elle fredonnait tout en remuant légèrement les mains dans le vent, les yeux fermés. Elle acheva sa chanson. C'était d'une suprême beauté. Je n'ai jamais entendu cette chanson. C'est toi qui l'as composée ? S'enquit Monsieur K, l'œil inquisiteur. Non. Oui. En fait, je ne sais pas. Elle hésitait, s'affolait. J'en comprends même pas les paroles. Elles sont dans une langue inconnue. Quelle langue ? Hébétée, elle laissa tomber des morceaux de viande dans la lave en fusion. Je ne sais pas. Elle retira la viande un instant plus tard, cuite, et la lui servit sur une assiette. C'est simplement une bêtise que j'ai inventée, je suppose. Je ne sais pas pourquoi. Il ne répondit pas. Il la regardait plonger la viande dans la vasque de feu grésillante. Le soleil avait disparu. Petit à petit, lentement, la nuit envahissait la pièce, noyant les colonnes, les noyant tous deux comme un vin sombre déversé du plafond. Seule la lueur de la lave argentée éclairait leurs visages. Elle se remit à fredonner l'étrange chanson. Aussitôt, il bondit de son siège et furieux quitta la pièce. Plus tard, il termina seul son dîner. Quand il se leva, il s'étira, regarda sa femme et suggéra en bâillant « Prenons les oiseaux de feu et allons en ville voir un spectacle. »« Tu ne parles pas sérieusement ?» dit-elle. « Tu te sens bien ? » ?»« Qu'est-ce que ça a de si extraordinaire ?»« Mais nous ne sommes pas sortis depuis 6 mois. »« Te voilà bien prévenant tout à coup. »« Ne le prends pas comme ça, » répondit-il avec humeur. « Tu veux y aller ou pas ?» Elle regarda le désert pâle. Les lunes blanches jumelles se levaient. L'eau fraîche coulait sans bruit entre ses orteils. Elle fut prise d'un embryon de frisson. Son désir le plus cher était de rester tranquillement ici, dans le silence, sans bouger, jusqu'à ce que la chose se produise. Cette chose attendue toute la journée, cette chose qu'elle espérait contre toute espérance. Des bribes de chansons lui effleurèrent l'esprit. Ça te fera du bien, insista-t-il. Allez, viens. Je suis fatiguée, un autre soir. Ça fait des mois que nous n'avons pas bougé. Sauf toi, 2 fois par semaine, Axie. Elle évitait de le regarder. Les affaires. Ah bon ? Murmura-t-elle pour elle-même. Les oiseaux de feu attendaient sur le doux sable frais, rutilant comme un lit de charbons ardents. Hilla prit place dans la nacelle et, sur un mot de son mari, les oiseaux s'élancèrent, tout feu tout flamme, vers le ciel sombre. Elle ne s'intéressait point à l'échiquier d'ivoire des cités mortes qui glissaient en contrebas, ni aux anciens canaux remplis de vide et de rêves. Il survolait des fleuves et des lacs asséchés comme une ombre lunaire, comme une torche ardente. Elle ne regardait que le ciel. Son mari dit quelque chose. Elle était perdue dans la contemplation du ciel. « Tu as entendu ce que j'ai dit ?»« Pardon ?» Il soupira. « Tu pourrais faire attention. » Je réfléchissais. « Je me demandais, » dit le mari lentement. « J'ai envie d'appeler Hul ce soir, histoire de savoir si on ne pourrait pas aller passer quelque temps, oh, 1 huitaine de jours, pas plus, dans les montagnes bleues. Ce n'est qu'une idée en l'air. » Les montagnes bleues ? Une main accrochée au bord de la nacelle, elle se retourna brusquement vers lui. Oh, c'est une simple suggestion. Quand veux-tu partir ? Demanda-t-elle en tremblant. Je pensais qu'on pourrait s'en aller demain matin. Tu sais bien, départ de bonne heure et tout ça, dit-il négligemment. Mais nous ne partons jamais si tôt dans l'année. Je pensais que pour une fois, il sourit, ça nous ferait du bien de changer d'air. Un peu de repos et de tranquillité. Tu sais bien, tu n'as rien d'autre de prévu. Alors on part, d'accord ? Elle prit sa respiration, attendit, puis répliqua. Non. Quoi ? Son exclamation fit sursauter les oiseaux. La nacelle fit une embardée. « Non, » répéta-t-elle d'une voix ferme. « C'est décidé, je n'ai pas envie de partir. » Il la regarda. Ils n'échangèrent plus un mot. Elle lui tourna le dos. À l'aube, se faufilant entre les colonnes de cristal, le soleil dissipa le brouillard qui soutenait Hilla dans son sommeil. Toute la nuit, elle était restée en suspens au-dessus du sol, flottant sur le moelleux tapis de brume que diffusaient les murs dès qu'elle s'allongeait pour se reposer. À présent, la brume s'estompait, baissait de niveau pour la déposer enfin sur la berge de l'éveil. Elle ouvrit les yeux. Debout au-dessus d'elle, son mari l'observait comme s'il était planté là depuis des heures. Sans savoir pourquoi, elle se sentit incapable de le regarder en face. « Tu as encore rêvé, » dit-il. « Tu as parlé tout haut et ça m'a empêché de dormir. Je crois vraiment que tu devrais voir un docteur. »« Ça ira. Tu n'as pas arrêté de bavarder en dormant. »« Vraiment ?» Elle entreprit de se redresser. Le petit jour était froid dans la pièce. Toujours allongé, Hilla se sentait envahi par une lumière grisâtre. À quoi rêvais-tu ? Elle dut réfléchir un instant pour s'en souvenir. À ce vaisseau. Il descendait encore une fois du ciel, se posait, et l'homme de haute taille en sortait, me parlait, plaisantait avec moi en riant, c'était très agréable. Et alors cet homme qui disait porter ce nom étrange, Nathaniel York, me disait que j'étais belle et m'embrassait. « Oh !» s'écria le mari en se détournant avec violence, les mâchoires crispées. « Ce n'est qu'un rêve, » dit-elle amusée. « Garde tes rêves stupides de bonne femme pour toi. Tu te conduis comme un enfant. » Elle se laissa retomber sur les derniers restes de brume chimique. Un instant plus tard, elle laissa échapper un petit rire. « Je pensais à d'autres détails de mon rêve, » avoua-t-elle. « Ah oui ? Lesquels ? Lesquels ? » s'emporta-t-il. « Je ne t'ai jamais vue dans cet état, » répliqua-t-elle, mi-choquée, mi-égayée. « Tout simplement, ce Nathaniel York me disait... Eh bien, il me disait qu'il allait m'embarquer dans son vaisseau, dans le ciel avec lui, et m'emmener sur sa planète. C'est vraiment ridicule. » « On ne peut plus ridicule !» Il hurlait presque. « Tu aurais dû t'entendre lui faire fête, lui parler, chanter avec lui. Grand Dieu, toute la nuit, t'aurais dû t'entendre !»« Il... Quand est-ce qu'il atterrit ? Quand est-ce qu'il arrive avec son maudit vaisseau ? Parle moins fort, il... »« Je parlerai comme j'en ai envie. » Il se pencha sur elle avec raideur. « Et dans ce rêve ?» Il lui saisit le poignet. « Le vaisseau ne se posait-il pas à Verte Vallée ? Hein ? Réponds-moi. » Ma foi, oui. Et il s'y posait cet après-midi, n'est-ce pas ? Poursuivit-il. Oh, oui, je crois oui, mais seulement en rêve. Bon. Il rejeta brusquement sa main. Tu fais bien de ne pas mentir. J'ai entendu tout ce que tu as dit dans ton sommeil. Tu as parlé de la vallée et de l'heure. Le souffle court, il marchait entre les piliers comme un homme aveuglé par un éclair. Lentement, il reprit haleine. Elle le regardait comme s'il était devenu fou. Enfin, elle se leva et s'approcha de lui. « Il... » murmura-t-elle. « Tu es malade ?»« Non. » Il s'imposa un sourire là. « Puéril, c'est tout. Pardonne-moi, ma chérie. » Et il lui donna une tape maladroite. « Trop de travail ces temps-ci. Excuse-moi. Je crois que je vais aller m'allonger un peu. » Tu étais si énervée. Ça va maintenant, ça va très bien. Ce n'était qu'un rêve. Bien sûr. Il lui déposa un baiser machinal sur la joue. Un simple rêve. À midi, le soleil était haut et brûlant et les collines vibraient dans la lumière. Tu ne vas pas en ville ? Demanda Illa. En ville. Il souleva légèrement les sourcils. C'est le jour où tu as l'habitude d'y aller ? Elle arrangea une cage à fleurs sur son piédestal. Les fleurs frémirent, ouvrant avidement leur bouche jaune. Il referma son livre. Non, il fait trop chaud. Et il est tard. Ah bon ? Une fois qu'elle se fut acquittée de sa tâche, elle se dirigea vers la porte. Alors à bientôt ? Un instant. Où vas-tu ? Elle avait déjà franchi le seuil. « Chez Pao, elle m'a invitée. »« Aujourd'hui ?»« Il y a longtemps que je ne l'ai pas vue. C'est à deux pas. »« À Verte Vallée, n'est-ce pas ?»« Oui, juste un petit tour. Je pensais que... » Elle pressa le pas. « Désolée, vraiment désolée, » dit-il en courant pour la rattraper, l'air fort contrarié par son étourderie. « J'avais complètement oublié. J'ai invité le docteur Nile cet après-midi. »« Le docteur Nile ?» Elle revint lentement sur ses pas. Il la prit par le coude et d'une main ferme la ramena à l'intérieur. « Oui. »« Mais Pao... »« Pao peut attendre, Illa. Nous devons recevoir Nile. »« Juste quelques minutes. »« Non, Illa. »« Non ?» Il secoua la tête. « Non. » »« Et puis c'est une sacrée trotte jusque chez Pao. Il faut traverser tout Verte Vallée, franchir le grand canal et en suivre le cours, non ?» Sans parler de la chaleur qui t'attend et du fait que le docteur Nile serait ravi de te voir. Alors ? Elle ne répondit pas. Elle n'avait qu'une envie, se soulever en courant et crier. Mais elle se contenta de s'asseoir dans son fauteuil et de se tourner lentement les doigts en fixant sur eux un regard vide, pris au piège. « Et là ?» murmura-t-il. « Tu vas rester ici, n'est-ce pas ?»« Oui, » dit-elle au bout d'un long moment. « Je vais rester. »« Tout l'après-midi ?»« Tout l'après-midi, » confirma-t-elle d'une voix atone. Tard dans la journée, le docteur Nile ne s'était pas encore présenté. Le mari d'Illa n'en paraissait pas particulièrement surpris. Quand il commença à se faire très tard, il marmonna quelque chose, se dirigea vers un placard et en retira une arme inquiétante, un long tube jaunâtre se terminant par un soufflet et une détente. Il se retourna, son visage recouvert d'un masque d'argent martelé, inexpressif, le masque qu'il portait toujours quand il désirait cacher ses sentiments. Le masque qui épousait si délicatement ses joues maigres, son menton et son front. Le masque jetait des éclairs tandis qu'il examinait l'arme redoutable que tenaient ses mains. Celle-ci émettait un bourdonnement continu, un bourdonnement d'insectes. On pouvait en faire jaillir des hordes d'abeilles dorées dans un hurlement strident. D'affreuses abeilles dorées qui piquaient, empoisonnaient et retombaient sans vie comme des graines sur le sable. « Où vas-tu ? » demanda-t-elle. « Si le docteur Nile est en retard, je ne vais pas m'embêter à l'attendre. Je sors chasser un peu, je serai pas long. Je compte sur toi pour rester ici, d'accord ?» Le masque d'argent étincelait. « Entendu. » « Et dis au docteur Nile que je reviens, que je suis simplement allée faire un tour à la chasse. » La porte triangulaire se referma. Les pas d'Hill décrurent le long de la colline. Elle le regarda s'éloigner dans le soleil jusqu'à ce qu'il ait disparu. Puis elle reprit ses occupations avec les poussières magnétiques et les fruits frais à cueillir au mur de cristal. Mais elle était parfois en proie à une sorte d'engourdissement et se surprenait à chanter cette chanson étrange, obsédante, et à contempler le ciel par-delà les colonnes de cristal. Elle retenait son souffle et, rigoureusement immobile, attendait. Ça se rapprochait. Ça pouvait se produire d'un instant à l'autre, comme lorsque l'on entendait un orage arriver. Il y avait le silence de l'attente, puis l'infime alourdissement de l'atmosphère, tandis que la perturbation balayait le pays de ses sautes d'humeur, ses ombres et ses nuées. Le changement exerçait sa pression sur les oreilles et l'on était suspendu dans l'attente de l'orage imminent. On commençait à trembler. Le ciel se plombait, se colorait, les nuages s'amoncelaient, les montagnes viraient au gris fer. Les fleurs encagées exhalaient de légers soupirs avant-coureurs. On sentait frémir ses cheveux. Quelque part dans la maison, l'horloge vocale chantait « C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure », tout en douceur, simple tapotement d'eau sur du velours. Il en allait ainsi à présent. Un orage se préparait, même si le ciel était clair. On attendait des éclairs, même en l'absence de tout nuage. Illa se déplaçait à travers la maison estivale privée de souffle. La foudre allait frapper d'un instant à l'autre. Il y aurait un coup de tonnerre, une boule de fumée, un silence, des pas dans l'allée, un petit heurt à la porte et elle se précipitant pour ouvrir. « Pauvre folle !» se moqua-t-elle. Pourquoi te laisser aller à de telles extravagances dans ta petite tête désœuvrée ? Et c'est alors que la chose arriva. Une chaleur d'incendie se propagea dans l'atmosphère. Un bruit de tornade. Un reflet métallique traversa le ciel. Illa poussa un cri. Elle courut entre les colonnes, ouvrit une porte en grand, se campa face aux collines. Mais il n'y avait plus rien. Prête à dévaler la pente, elle se ravisa. Elle était censée rester ici, n'aller nulle part. Le docteur venait leur rendre visite et son mari serait furieux si elle se sauvait. Elle attendit sur le seuil, haletante, une main tendue. Elle scruta l'horizon en direction de Verte Vallée, mais ne vit rien. Sotte que tu es. Elle rentra. Toi et ton imagination, pensa-t-elle. Ce n'était qu'un oiseau, une feuille, le vent ou un poisson dans le canal. Assieds-toi. Détends-toi. Elle s'assit. Une détonation retentit. Très nette, sèche. Le bruit de l'affreuse arme aux insectes. Tout son corps sursauta au même moment. Il venait de loin. Un coup. Le vrombissement des abeilles si prompt à la détente. Un coup. Puis un second. Précis et froid, tout là-bas. Son corps tressaillit de nouveau et, sans savoir pourquoi, elle se dressa et se mit à hurler, hurler, sans autre envie que de continuer à hurler. Elle s'élança à travers la maison et, une fois de plus, ouvrit la porte en grand. Les échos s'éteignaient peu à peu. Se turent. Elle attendit dans la cour, blême, pendant 5 minutes. Puis, à pas lents, la tête basse, elle erra de pièce en pièce, effleurant les objets du bout des doigts, les lèvres tremblantes, pour s'asseoir finalement dans la solitude de la chambre au vin gagnée par la pénombre, toujours dans l'expectative. Elle se mit à essuyer un verre d'ambre du bout de son écharpe. Dans le lointain, crissant sur le fin gravier, un bruit de pas. Elle se releva et s'immobilisa au centre de la pièce silencieuse. Le verre tomba de ses doigts, se brisa en 1000 morceaux. Les pas hésitèrent devant la porte d'entrée. Fallait-il parler? Fallait-il crier? Entrez! Oh, entrez! Elle avança sur quelques mètres. Les pas gravirent la montée. Une main fit tourner le loquet. Les yeux fixés sur la porte, elle sourit. La porte s'ouvrit. Elle cessa de sourire. C'était son mari. Son masque d'argent luisait sans éclat. Il entra et adressa un bref regard à sa femme. Puis d'un coup sec, il ouvrit le soufflet de son arme, en fit tomber 2 abeilles mortes, les entendit heurter le sol, les écrasa sous son pied et rangea le fusil vide dans un coin, tandis qu'il, là, courbé en 2, s'efforçait sans le moindre succès de ramasser les morceaux du verre brisé. « Qu'est-ce que tu faisais ? » demanda-t-elle. « Rien, » dit-il le dos tourné. Il ôta son masque. « Mais le fusil ? Je t'ai entendu tirer 2 fois. » Je chassais, voilà tout. Ça fait du bien de temps en temps. Le docteur Nile est arrivé? Non. Une seconde. Il claqua des doigts d'un air chagrin. Tiens, ça me revient. C'est demain après-midi qu'il devait venir nous voir. Je suis vraiment trop bête. Ils se mirent à table. Elle regardait sa nourriture sans bouger les mains. Qu'est-ce qui ne va pas ? Demanda-t-il sans lever les yeux de la lave bouillonnante où il plongeait sa viande. « Je ne sais pas. Je n'ai pas faim. »« Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Je ne sais pas. C'est comme ça. » Le vent se levait dans le ciel. Le soleil se couchait. La pièce, toute petite, semblait froide tout à coup. J'essayais de me souvenir. Dit-elle dans le silence ambiant, face à la froide raideur de son mari aux yeux d'or. « Te souvenir de quoi ?» Il buvait son vin à petite gorgée. « De cette chanson. Cette si belle chanson. » Elle ferma les yeux et fredonna, mais ce n'était pas ça. « Je l'ai oubliée. Et va savoir pourquoi je ne veux pas l'oublier. » C'est quelque chose dont je voudrais toujours me souvenir. Elle bougea les mains comme si le rythme pouvait l'aider à tout retrouver. Puis elle se laissa aller contre son dossier. Je n'arrive pas à me rappeler. Et elle se mit à pleurer. Pourquoi pleures-tu ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je suis triste sans savoir pourquoi. Je pleure sans savoir pourquoi, mais je pleure. Elle se tenait la tête à deux mains, ses épaules ne cessaient de s'agiter. « Ça ira mieux demain, » dit-il. Elle ne leva pas les yeux vers lui. Son regard n'était fixé que sur le désert vide et les étoiles qui commençaient à scintiller dans le ciel noir, tandis que de très loin lui parvenait un bruit de vent qui se levait et le froid clapotis de l'eau le long des canaux. « Oui, » dit-elle, « ça ira mieux demain. » La corne de brume. Lu par Hervé Pierre. Tout là-bas, loin de la terre ferme, au beau milieu des eaux glacées, nous attendions chaque soir la venue du brouillard. Et chaque soir, lorsque le brouillard finissait par arriver, nous montions tout là-haut au sommet de la tour de pierre et nous nous mettions à graisser le mécanisme de cuivre du phare. Puis nous l'allumions. Dans ces moments-là, Magdon et moi, nous nous sentions comme deux oiseaux perdus dans un ciel de plomb. Nous lancions alors notre faisceau de lumière comme une main tendue à l'intention des navires isolés, une lumière rouge, blanche, puis rouge à nouveau. Et si les navires ne voyaient pas notre lumière, du moins pouvaient-ils entendre notre voix, ce mugissement puissant et profond que poussait sans relâche notre corne de brume, qui faisait frissonner les bancs de brouillard, effrayait les colonies de mouettes qui s'éparpillaient alors comme autant de jeux de cartes lancés aux quatre vents, et faisait se dresser, écumantes, les vagues. Faut aimer être seul quand on vit ici. Mais tu t'y es fait maintenant, ça va ? M'a demandé Magdon ce soir-là. Oui, ai-je répondu. Et grâce à Dieu, on peut dire que vous savez faire la conversation. « Bon. Eh bien, demain, c'est ton tour d'aller à terre, petit, » m'a-t-il dit alors en souriant. « Tu vas pouvoir aller faire danser les filles et boire du gin. »« Magdon, à quoi est-ce que vous pensez quand je m'en vais comme ça, que je vous laisse ici tout seul ?»« Je pense à la mer, au mystère de la mer. » Magdon a allumé sa pipe. Il était 7h15 en cette froide soirée de novembre et nous avions déjà allumé du feu. Le phare balayait l'horizon dans toutes les directions, tandis que le long gosier de la tour résonnait de l'éternelle et monotone rengaine de notre corne de brume. « Les mystères de la mer », a répété Magdon l'air songeur. Il a tiré sur sa pipe en clignant des paupières, visiblement préoccupé. Il avait été comme cela toute la journée sans dire pourquoi. Malgré toutes nos machines, nos soi-disant sous-marins, il se passera des dizaines de milliers de siècles avant que nous mettions vraiment le pied dans les contrées du fond de l'abîme, les royaumes enchantés, avant que nous connaissions la peur, la vraie. Si tu regardes bien, là-bas en bas, c'est encore l'an 300 000 avant Jésus-Christ. Pendant qu'ici nous défilons au son des trompettes, que nous nous disputons nos pays, nous arrachons la tête. Eux, là-bas, à 12 000 sous les eaux glacées de l'océan, ils continuent à vivre dans l'ancien temps. Leur époque, elle est aussi ancienne que la queue d'une comète. Oui, C'est vraiment encore l'ancien monde, là, en bas. Bon, allez, c'est pas tout ça. Arrive un peu. Il y a un truc qu'il faut que je te dise depuis un petit moment. Nous avons continué à discuter tout en montant sans nous presser les 80 marches menant au sommet. Là, Magden a éteint l'éclairage de la pièce pour qu'il n'y ait pas de reflet dans l'optique du phare. Le grand œil lumineux bourdonnait, tournant sans effort sur sa base bien huilée. La corne de brume mugissait régulièrement toutes les 15 secondes. On dirait une bête, tu trouves pas ? Magden a opiné pour lui-même. Une grosse bête qui hurle toute seule dans la nuit, au bord d'un gouffre d'éternité, et qui lance son cri en direction des profondeurs de la mer. « Je suis là, je suis là, je suis là. » Et là, en bas, on lui répond, tu peux me croire. Ça fait 3 mois que t'es là, Johnny. Alors j'aime autant te prévenir. Vers cette époque de l'année, a-t-il ajouté en scrutant les ténèbres et le brouillard. Il y a quelque chose qui vient rendre visite au phare. Je repoussais le moment de te le dire, tu sais. Je me disais que tu me prendrais pour un cinglé. Mais cette nuit, je peux plus attendre. Si mon calendrier me trompe pas depuis l'année dernière, c'est cette nuit-ci qu'il doit venir. Mais je veux pas t'en dire plus. Tu verras bien par toi-même. Assieds-toi là et attends. Demain, si tu veux, tu pourras faire ton pactage, tu pourras retourner à terre avec le canot à moteur. Tu l'amarreras au quai, puis tu monteras dans ta voiture que tu as garée sur le promontoire. Et tu t'en iras vers un des petits villages qui sont dans l'intérieur des terres. Et puis là, la nuit, tu pourras même laisser la lumière allumée. Je te poserai pas de questions. Je te ferai pas de reproches. Ça fait 3 ans que ça se reproduit comme ça, tous les ans. Mais là, c'est vraiment la première fois qu'il y a quelqu'un avec moi pour être sûr. Tu comprends? Alors, attends et ouvre bien les yeux. Une demi-heure a passé durant laquelle nous nous sommes contentés de chuchoter de temps en temps. Comme nous commencions à être las d'attendre, Magden s'est mis à m'exposer quelques-unes des idées qui lui trottaient depuis longtemps dans la tête. Ainsi, il avait une théorie bien à lui sur notre fameuse corne de brume. Par un jour glacial et sans soleil, il y a de ça des années, un homme qui passait sur le rivage s'est arrêté pour écouter le bruit des vagues. Et il a dit comme ça, « Ce qu'il nous faut, c'est une voie qui porte par-delà l'océan pour prévenir les navires, et je m'en vais en fabriquer une. Je ferai une voie où il y aura tous les brouillards de la terre depuis que le monde est monde. Une voie qui sera comme un lit vide, à côté duquel on a passé toute la nuit à attendre, comme une maison sans personne quand on ouvre la porte, et comme les arbres d'automne quand ils ont perdu leurs feuilles. Une voie comme le cri des oiseaux qui s'enfuient en direction du sud, comme le vent de novembre et les vagues qui viennent se fracasser sur les brises englacées. Je mettrai dans cette voie-là tellement de solitude que personne ne pourra s'y tromper. Personne ne pourra s'empêcher de pleurer au plus profond de son âme. Quand on l'entendra, la chaleur du foyer paraîtra plus douce. Et ceux qui vivent dans les petites villes de l'intérieur des terres seront bien contents d'être à l'abri quand eux aussi l'entendront. Je vais me fabriquer une voix, une machine à voix. Ils appelleront ça une corne de brume. Et tous ceux qui l'entendront sauront que l'éternité est la plus triste des choses et que la vie est courte sur cette terre. La corne de brume a retenti. C'est une histoire que j'ai inventée pour essayer d'expliquer pourquoi cette chose-là revient au phare, comme ça tous les ans, a conclu tranquillement Magden. C'est la corne de brume qui l'appelle, je crois bien. Et elle, elle vient. Mais, chut, s'est exclamé Magden, regarde-la. J'ai suivi son regard. Il fixait l'abîme des eaux. Quelque chose approchait du phare. Comme je l'ai déjà dit, il faisait froid cette nuit-là. La tour du phare était glaciale. La lumière allait et venait et la corne de brume appelait. appelait à travers l'épaisseur du brouillard. On n'y voyait pas bien loin. On n'y voyait pas vraiment, en fait. Mais la mer était bien là, immense, dans les ténèbres qui s'étaient abattues sur la terre. Une mer calme et sans relief, couleur de boue sale, que nous sentions bouger autour de nous comme elle le faisait depuis toujours. Et nous, étions là, tous les deux, seuls, au sommet de la tour du phare. Et voilà que devant nous, assez loin encore, il y a eu un remous suivi d'une vague, et quelque chose s'est élevé dans un bouillonnement d'écume. Tout à coup, crevant les eaux glacées, une tête est apparue, une grosse tête sombre avec des yeux immenses, puis un cou. Puis non pas un corps, mais le cou, encore et toujours, interminable. La tête se dressait à présent à 40 pieds au-dessus des eaux, surmontant un cou gracile de couleur sombre, magnifique. C'est alors seulement que le corps lui-même, pareil à une petite île de corail noir, couverte de coquillages et de crustacés, a fini par émerger tout ruisselant des profondeurs. Il y a eu un battement de queue. En tout, de la tête à l'extrémité de la queue, le monstre me paraissait mesurer entre 90 et 100 pieds de long. J'ai dit quelque chose, je ne sais plus quoi. « T'inquiète pas, mon gars, ça va aller », m'a répondu Magden en chuchotant. « C'est pas possible, il devrait pas être là. » « Non, Johnny, c'est nous qui ne devrions pas être là. Ça fait 10 millions d'années qu'il est comme ça. Lui, il n'a pas changé. C'est nous qui avons changé, nous et la Terre. Et c'est nous qui ne sommes pas possibles, comme tu dis. C'est nous. » Avec une sombre majesté, il nageait dans l'eau glacée, loin, très loin de nous encore. Autour de lui, le brouillard se déplaçait, estompant parfois sa silhouette. L'un de ses yeux immenses a soudain réfléchi la puissante lumière du phare. Nous l'a renvoyé, blanche, rouge, blanche, comme un disque tenu à bout de bras émettant un message dans un code primitif. Et tout cela sans faire plus de bruit que le brouillard dans lequel il nageait. C'est un dinosaure, quelque chose comme ça. Je me suis accroupi en me retenant à la rampe de l'escalier. Oui, un genre. Mais ils sont tous morts. Non. En fait, ils sont partis se cacher là-bas, tout en bas, dans les profondeurs de la mer, au plus profond des abîmes. Les profondeurs de la mer. Voilà un mot pas comme les autres, hein, Johnny. Qu'est-ce que t'en dis? Il y a tout dans un mot comme ça, le froid, l'obscurité, la profondeur, tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On a un boulot à faire ici. On peut pas s'en aller comme ça. D'ailleurs, on est plus en sécurité ici que si on essayait de rejoindre la Terre. Peu importe le canot qu'on prendrait. Cette chose-là est aussi grande qu'un destroyer et presque aussi rapide. Mais pourquoi vient-il ici? Pourquoi justement ici? L'instant d'après, j'ai eu la réponse. La corne de brume a retenti. Et le monstre a répondu. Ce cri-là avait traversé 1 million d'années d'eau et de brouillard pour venir jusqu'à nous. Il y avait tant d'angoisse et de solitude dans ce cri que ma tête et mon corps tout entier en frissonnaient à l'unisson. Le monstre a mugi en direction de la tour du phare. La corne de brume a retenti. Le monstre a mugi à nouveau. La corne de brume a retenti. Le monstre a ouvert tout grand sa gueule, aux dents impressionnantes. Et le son qui en est sorti était exactement pareil à celui de la corne de brume. Solitaire, ample et lointain. La solitude. Les horizons bouchés par la brume. Les nuits glacées, l'exil. Exactement pareil. Et maintenant, tu comprends pourquoi il vient ici, a chuchoté Magden. J'ai acquiescé en silence. Tu vois, Johnny, tout au long de l'année, ce pauvre monstre, il se se cache là-bas au fond, à 1000 milles de la côte et à 20 000 de profondeur peut-être. Et il attend le bon moment. Peut-être qu'elle a 1 million d'années, cette créature-là, va savoir. Pense-y un peu. 1 million d'années. Tu pourrais attendre aussi longtemps que ça, toi. Peut-être que c'est la dernière de son espèce, cette bête-là. J'ai comme dans l'idée que ça pourrait être ça. De toute façon, voilà comment ça se passe. Les hommes arrivent sur ce rocher et construisent ce phare. Il y a de cela 5 ans maintenant. Et puis ils installent cette corne de brume. Et ils la font sonner. Et sonner encore. Vers l'endroit où, justement, toi, tu dors et tu rêves. Tu rêves de l'océan. Tu te souviens d'un monde où il y en avait encore des milliers comme toi sur Terre. Mais maintenant, tu es seul. Tout seul. Dans un monde qui n'est pas fait pour toi et où tu dois te cacher. Mais le son de la corne de brume arrive jusqu'à toi, puis s'en va, revient, puis repart, et tu te réveilles. Tu t'extirpes du fin fond boueux des profondeurs, et les yeux grands ouverts comme des lentilles de caméra de cinéma, tu te mets à avancer. Lentement, très lentement, parce que tu as tout le poids de l'océan qui pèse sur tes épaules. Pourtant tu l'entends, cette corne de brume. Malgré toute cette eau qui vous sépare, tu l'entends à peine, mais tu reconnais son cri, et ta poitrine s'embrase à nouveau comme une chaudière de locomotive. Et tu commences à t'élever lentement, très lentement. Tu te nourris au passage, tu engloutis des montagnes de morues et de petits poissons, des rivières de méduses, et tu montes, comme ça, tout au long des mois d'automne. Septembre, le mois des brouillards qui se lèvent. Octobre, plus brumeux encore, et la corne de brume appelle toujours plus souvent. Et vers la fin novembre, alors que tu t'es efforcé de monter, comme ça, régulièrement, en gagnant quelques pieds à chaque heure qui passait, te voilà enfin à la surface. Et tu es toujours en vie. Il faut que tu y ailles doucement de toute façon. Si tu faisais surface comme ça, tout d'un coup, tu éclaterais. Voilà pourquoi ça te prend 3 bons mois pour monter, puis encore des jours et des jours de nage dans l'eau glacée pour atteindre le phare. Mais ça y est, Johnny, tu es arrivé. Te voilà là-bas, dans la nuit et bon sang. Tu es bien le monstre le plus gigantesque de toute la création. Le phare est là. Il t'appelle. Il est comme toi. Il a un grand cou tout droit qui sort de l'eau, aussi long que le tien. Il a le même corps que toi. Et le plus important, bien sûr, il a la même voix que toi. Tu comprends maintenant, Johnny? Indy, tu comprends? La corne de brume a mugi. Le monstre a répondu. J'ai tout vu, j'ai tout compris. Des millions d'années à attendre, seul le retour de quelqu'un qui n'est jamais revenu. 10 millions d'années d'exil au fond des mers, le temps qui passe à vous rendre fou, tandis que les reptiles volants disparaissaient du ciel, que les marécages des zones continentales se desséchaient les uns après les autres, que les paresseux et les machérotontes, passés leur heure de gloire, finissaient à leur tour au fond des mares de goudron, et que les hommes, pareils à des fourmis blanches, couraient sur les collines. La corne de brume a mugi. Le monstre était à présent à 100 de pieds à peine, mugissant en direction de la corne de brume qui lui répondait aussitôt. Et chaque fois que les lumières du phare tombaient sur eux, les yeux du monstre devenaient tour à tour de feu, de glace, de feu, de glace. « C'est ça, ta vie, » dit Magden, « quelqu'un qui attend quelqu'un qui ne revient jamais, aimer quelque chose toujours plus que cette chose ne t'aimera jamais. » Et au bout d'un certain temps, tu en arrives à vouloir tuer cette chose, même si tu ne sais pas vraiment ce que c'est, pour qu'elle ne puisse plus te faire souffrir. Le monstre se précipitait vers le phare. La corne de brume a mugi. « On va voir ce qui va se passer, » a dit Magden. Il a arrêté la corne de brume. dans la minute qui a suivi. Le silence a été si total que nous arrivions à entendre nos propres battements de cœur résonner dans la cage de verre du phare et même la lente giration du projecteur dans son logement bien huilé. Le monstre s'est arrêté net, il n'a plus bougé. Ses yeux, grands comme des lanternes, ont clignoté. Il avait la gueule béante. Puis, il a émis une sorte de grognement sourd, pareil à celui d'un volcan. Il a penché la tête à droite, puis à gauche, comme pour essayer de retrouver la voie qui s'était perdue dans le brouillard. Il a scruté le phare, grondé à nouveau. Puis ses yeux se sont embrasés. Il s'est cabré, a frappé l'eau du plat de la queue et s'est précipité sur le phare, le regard plein de douleur et de rage. J'ai hurlé « Macdon, rallumez la corne de brume !» Macdon a essayé, il ne trouvait pas le bouton. Mais au moment même où il rétablissait le courant, le monstre s'est cabré. J'ai aperçu ses pattes gigantesques, j'ai vu briller l'espace d'un instant la peau squameuse tendue entre ses griffes, semblable à des doigts, dont il s'est mis à lacérer la tour du phare. J'avais devant moi le côté droit de sa tête, et son œil énorme, à l'expression tourmentée, luisait comme un chaudron dans lequel il me semblait que j'aurais pu tomber en hurlant. La tour a tremblé sur sa base. La corne de brume a mugi, le monstre a mugi. Il a saisi la tour entre ses pattes et ses mâchoires se sont refermées sur la structure de verre qui s'est brisée et s'est effondrée sur nous. Macdon m'a saisi par le bras. « Faut descendre, vite !» La tour du phare s'est mise à osciller, à trembler. Elle a commencé à céder. La corne de brume et le monstre rugissaient. Nous nous sommes rués dans l'escalier au risque de tomber jusqu'au bas des marches. Vite ! Au moment où nous avons atteint le niveau du sol, la tour s'est brisée en deux et a commencé à s'effondrer dans notre direction. Nous nous sommes accroupis sous l'escalier dans la petite cave en pierre. Les blocs pleuvaient. Les chocs se suivaient sans discontinuer. Puis la corne de brume s'est arrêtée brusquement. Le monstre s'est laissé retomber de tout son poids sur la tour du phare qui a achevé de s'effondrer. Nous avons tenu bon, Macdon et moi. Nous sommes restés là, agenouillés, pendant que dessus de nous, notre univers familier disparaissait dans une gigantesque explosion. Puis, tout a été fini. L'obscurité, rien que le bruit des vagues sur les brisants, rien d'autre. Puis finalement un autre bruit, différent. « Écoute !» m'a dit Macdon à voix basse. « Écoute !» Le monstre s'est mis à haleter, à gémir. La tour du phare n'existait plus, la lumière s'était éteinte. La chose qu'il avait appelée par-delà 1 million d'années n'était plus là. Et le monstre ouvrait sa large gueule et lançait de grands cris. C'était le bruit d'une corne de brume, encore et toujours. Au large, les bateaux qui passaient et ne voyaient plus la lumière du phare, ne voyaient plus rien du tout, mais entendaient tout de même ce cri dans la nuit, devaient se dire « C'est bien ça, c'est la voix de la solitude, c'est la corne de brume de la baie solitaire, tout va bien, nous avons doublé le cap ». Et cela a duré toute la nuit. Il faisait soleil. Il faisait chaud l'après-midi suivant lorsque l'équipe de secours est venue nous sortir de notre cave sous l'amas de pierre. Elle s'est effondrée comme une vieille ruine. Et puis voilà, leur a dit Macdon d'un air grave. Les vagues nous ont méchamment secoués 2 ou 3 fois, puis elle s'est écroulée, comme ça. Il m'a pincé le bras. Il n'y avait rien à voir. L'océan était calme, le ciel bleu. La seule chose qu'on remarquait, c'était une très forte odeur d'algues répugnante qui émanait du dépôt verdâtre qui recouvrait les pierres de la tour écroulée et les rochers du rivage. Des mouches bourdonnaient à proximité. L'océan léchait le rivage. Il ne charriait rien. L'année suivante, ils ont bâti un nouveau phare. Mais à ce moment-là, j'avais déjà trouvé un travail dans le petit village, une femme et une petite chaumière bien chauffée dont on voyait de loin briller les lumières rassurantes dans la nuit. L'automne venu, toute porte fermée, la cheminée fumante. Quant à Magden, il est devenu le gardien du nouveau phare, construit d'après ses plans, en béton armé bien solide. Au cas où, comme il disait. Le nouveau phare a été terminé en novembre. Un soir tard, j'y suis allé seul en voiture. Je me suis garé. J'ai scruté l'étendue des eaux grises. Et j'ai écouté la nouvelle corne de brume résonner au loin, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois par minute. Sans écho, jamais. Le monstre, il n'est jamais revenu. Il est parti, m'a dit Magden. Il est retourné dans les profondeurs de la mer. Il a compris que trop aimer, ce n'est pas possible dans ce monde. Il est reparti là-bas, tout en bas, dans les profondeurs de la mer. Et pendant un million d'années encore, il va attendre. Pauvre vieux. Attendre et attendre encore pendant que les hommes vont et viennent sur cette petite planète pitoyable. Attendre. Toujours attendre. Assis dans ma voiture, j'écoutais. Les lumières du phare devaient briller là-bas dans la baie solitaire, mais je ne les voyais pas. Par contre, j'entendais la corne de brume. La corne de brume. La corne de brume. On aurait dit le monstre qui appelait. Je suis resté assis là, comme ça, en silence. Qu'est-ce que j'aurais pu dire ? Ray Bradbury, nouvelle. Illa, lu par Élodie Hubert. Traduction de Jacques Chambon et Henri Robillot. La corne de brume, lu par Hervé Pierre. Traduction de Richard Négrou, révisée par Philippe Gindre. Ces nouvelles sont extraites des recueils Les Chroniques martiennes et Les Pommes d'or du soleil, publiées aux éditions de Noël. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Prise de son, montage, mixage, Cédric Chatelus, Valentin Azanzielinski. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation, Laure Egorov.